بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله عز وجل لونسيت نوي دو سي شعبان 1441 de nous avoir, qui nous a comblés de cette assise pour se rappeler ce qui va nous être profitable dans notre bas monde et dans notre au-delà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet qui concerne la parole de notre messager alayhi salatu wassalam, kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement, vu que certains durant cette épreuve que traverse l'humanité appellent les gens à repousser celle-ci par des innovations, Allah al-Musta'an. Je commencerai par ces paroles de l'Hafidh ibn Kathir rahimahullah concernant le verset هَلَ تَاكَ حَذِيثُ الْغَاشِيَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ. Et donc dans ces versets, dans Sourat Al-Ghashiya, Al-Ghashiya, c'est l'un des noms donnés au jour de la résurrection et au jugement, et du jugement. Ibn Abbas, ainsi que Qatada, ainsi que Ibn Zayd, l'ont affirmé, comme le rapporte Tabari, rahimahullah, et aussi Ibn Kathir, dans son exégète. Le verset avec lequel je vais faire cette introduction nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante, c'est-à-dire le jour de la résurrection qui couvre toute chose? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Selon Qatada, les gens seront dans un état déplorable, dominé par l'humiliation. Ibn Abbas ajouta que seules leurs œuvres pourront leur être utiles ce jour-là. Ensuite, le verset nous dit ceci dans sa traduction approximative du sens du verset, préoccupés, harassés. C'est-à-dire qu'ils avaient accompli tant d'œuvres et que de par ce fait, ils se sont fatigués par leurs actes dans ce bas monde. Mais ils seront jetés dans un feu ardent le jour du jugement. Al-Hafid Abu Bakr Al-Burkani rapporta d'Abi Imran Al-Jawni Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah, il rapporte d'Abi Imran al-Jawni qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardah passa une fois par un monastère où vivait un moine et il l'appela ô moine. Ce dernier sortit. Quand Omar le vit, Omar se mit à pleurer. On lui demanda la raison pour laquelle il pleurait. Il dit radiyallahu anhu ardah, je me suis rappelé les paroles d'Allah, le Tout-Puissant, qui disent, dans la traduction approximative du sens du verset, « Amilatun nasibatun tasla naran hamiya »« Préoccupés, harassés, brûleront dans un feu ardent. » Et c'est ce qui m'a fait pleurer, il a dit radiyallahu anhu ardah, « Amilatun nasibah » préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent. Pourquoi? Pourtant, ils avaient œuvré dans ce bas monde, mais ils n'avaient pas œuvré dans le bon sens. Ils n'avaient pas œuvré comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, et comme, la transmis le message alayhi salatu wassalam. Donc nous devons faire très attention, frère en Allah azza wa jal, et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, au fait de ne pas être dans nos actes en conformité avec ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nos actes, pour qu'ils nous soient utiles, le jour où on va rencontrer Allah azza wa jal, il faut qu'ils soient accomplis dans la sincérité et dans le suivi. Frères et sœurs, en Allah azza wa jal, fait partie des grandes épreuves que la communauté a subit encore et qui lui cause beaucoup de tort et qui fiblait la communauté et ont fait une proie facile à ses ennemis, les innovations dans la religion d'Allah. Alors que tout le monde connaît ce verset. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. La traduction approximative du sens du verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et je vous agrée l'islam comme religion. Et tout le monde entend, khutbat al-haja, l'introduction du besoin avec laquelle les khutabas et les exhortateurs débutent leurs sermons et leurs assises. À la fin de cette introduction du besoin, il est cité ces nobles paroles de notre messager alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté dans Sahih Muslim de Jabir radiyallahu anhu arda'ah. Amma ba'd, فإن خير الهدي خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ceci dit, la meilleure des paroles étant le livre d'Allah. Le meilleur des discours étant le livre d'Allah. La meilleure des paroles étant la parole d'Allah. Et la meilleure des voix étant la voix du messager de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des situations, ce sont les nouveautés. Toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Et ceci est un texte clair qui concerne toutes les innovations, sans exception. Et aussi le hadith que beaucoup parmi nos frères et nos sœurs mémorisent, hadith de l'Irbad ibn Sariya, rapporté dans l'authentique d'Ibn Majah, il fait partie des 40 hadiths nawawi, ou à la fin duquel le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ » Et attention aux nouveautés dans les situations, car toute innovation est un égarement. Et c'est les situations religieuses. Et le hadith, et aussi le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Notre mère Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd. Celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, il lui sera rejeté. Que disent nos pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim, concernant les innovations? Écoutez Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Son noble compagnon, duquel le prophète alayhi salam a dit: celui qui veut apprendre le Coran comme il est descendu sur Muhammad alayhi salam, qu'il l'apprend de Ibn Ummi Abd. C'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Abdullah ibn Mas'ud a dit, comme il est rapporté dans l'Iban al-Ibn Batta et dans Sharh Usul Sunna lil-Alka'i, a dit: ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin dalala. Il a dit radiyallahu anhu arda, suivez, n'innovez pas, la voie qui vous a été léguée vous suffit et toute innovation est un égarement. رضي الله عنه وارضاه. وقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. عبد الله بن عمر dans ce qui est rapporté par Ibn Battah fil Ibana, il parle l'Alakai dans Sharh Usul Sunna, a dit: toute innovation est un égarement, même si les gens la considèrent comme un bien. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. رواه البيهقي في الكبرى. ابن عباس كالله سبحانه وتعالى les agrée a dit: parmi les choses les plus détestables d'Allah, ce sont les innovations. Parmi les choses les plus détestables d'Allah, il y a les innovations. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الاعتصام للشاطبي. Et donc dans ce qui est rapporté par l'imam Shatibi rahimahullah dans l'اعتصام, l'imam Malik rahimahullah a dit: celui qui approuve l'innovation qu'il a innovée dans l'islam, celui-là prétend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message, car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Et il a dit rahimahullah: est-ce qu'il n'a pas été une religion ce jour-là, il ne le sera pas aujourd'hui. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رواه اللالكائي والبغوي رحمه الله تعالى. سفيان الثوري dans ce qui est rapporté par اللالكائي par البغوي a dit: l'innovation est plus aimée d'Iblis que la désobéissance, car on se repent de la désobéissance et on ne se repent pas de l'innovation. Pourquoi il a dit ça, radiyallahu anhu ardahu rahimahullah? Parce que celui qui commet une désobéissance, un vol, de l'adultère ou quoi, il a toujours du remords dans son intérieur, dans son cœur, parce qu'il sait que ça c'est un acte haram. Celui qui est dans l'innovation, qui innove, croit que ça fait partie de la religion. Il croit qu'il fait quelque chose que les autres sont passés à côté, que les gens ne connaissent pas. Et donc c'est pour ça qu'il a dit qu'en général il ne se repent pas, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. Parce que son innovation pour lui, c'est quelque chose qui fait partie de la religion. Quand tu désobéissons, à boire de l'alcool ou le remarque avec nos frères, quand on sort le soir, on revient de Salat al-Isha ou autre, tu les vois en train de fumer ou là en train de fumer de la drogue ou de boire de l'alcool, et quand ils passent à côté de toi, ils le cachent, ils te disent: fais du'a pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'arrêter, nous aide à nous arrêter, etc. قال الإمام أحمد رحمه الله: وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الإمام أحمد رحمه الله, dans l'introduction de cette petite risala Usul Sunna, et comme il est rapporté aussi dans Sharh Usul Sunna lil-Lalaka'i, l'imam Ahmed dit les fondements de la Sunna pour nous. Pourquoi il a dit pour nous? C'est-à-dire pour nous, les gens de la Sunna, et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, et ceux qui sont réunis avec la Sunna. Il dit les fondements de la Sunna pour nous, c'est se cramponner à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager alayhi salatu wassalam, et de les prendre comme modèle, et de délaisser les innovations, car toute innovation est un égarement. médite cette parole de ce noble homme, l'imam des gens de la Sunna par excellence, le deuxième véridique de la communauté, comme ils l'ont désigné les hommes de science, l'homme qui a fait face à quatre khalifes abbassides, hein, pour que cette aqida sur laquelle nous sommes, en croyant que le Coran c'est une parole d'Allah Azza wa Jal, arrive à nous ainsi, pur. Il leur a fait face. Radiallahu anhu wa arda, d'où l'appellation des hommes de science, l'homme de la sunna, l'homme, l'imam des gens de la sunna par excellence, et le deuxième véridique de la communauté, qui a résisté à un état entier, malgré les mauvais traitements, etc. Et regarde ce qu'il dit. Les fondements de la sunna pour nous, c'est ce cramponné à la voie sur laquelle étaient les compagnons. Parce que la voie sur laquelle étaient les compagnons, c'est la voie du messager alayhi salam. Et c'est la seule voie qui amène vers la satisfaction d'Allah. Et c'est la seule voie qui donne la satisfaction, l'apaisement intérieur et la quiétude dans la vie de ce bas monde. Et le bonheur dans le delà. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين. ابن رجب رحمه الله dans جامع العلوم والحكم a dit la parole du messager عليه الصلاة والسلام, toute innovation est un égarement. C'est une synthèse à ce niveau. Hein, c'est une synthèse à ce niveau. Aucune exception est faite à quelque chose. C'est un grand fondement parmi les fondements de la religion. C'est quoi cette synthèse? Toute innovation est un égarement. C'est une règle fondamentale. Il n'y a aucune exception faite à quoi que ce soit comme innovation. قال ابن حجر رحمه الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها أما منطوقها فكأن يقال حكمك دا بدعة وكل بدعة ضلالة فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى لأن الشرع كله هدى الفتح ابن رجب ابن رجب رحمه الله a dit toute innovation, la parole du messager alayhi wasallam, toute innovation est un égarement, c'est une règle fondamentale de la législation dans son expression et dans sa signification. Au niveau de l'expression, on dit cet acte c'est une innovation et toute innovation est un égarement. Donc il ne fait pas partie de la législation, car la législation dans son ensemble est une guidée où il n'y a pas l'égarement. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في خطر الإبداع في الدين إن قوله كل بدعة ضلالة كلية عامة شاملة وكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدعة في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي أيدينا هذا السيف الصارم من رسول الله كل بدعة ضلالة. إيه شيخ العثيمين رحمة الله عليه دون رسالة الإبداع le danger de l'innovation dans la religion d'Allah. Il dit la parole du messager, toute innovation est un égarement, c'est une parole fondamentale, générale et complète. C'est-à-dire que c'est une règle fondamentale et complète. Et tout ce qui est prétendu être une bonne innovation, on lui répond avec cela, avec toute innovation est un égarement. Les gens de l'innovation n'ont pas à faire de leur innovation une bonne innovation, alors que nous avons cette arme fatale qui nous vient du messager alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. Frère Allah Azza wa Jal et sœur en Allah Azza wa Jal, parmi les facteurs qui ont fait que les innovations se propagent dans la communauté, beaucoup croient qu'il y a des bonnes innovations. Il y a aucun doute que cela est faux. Il n'y a aucune bonne innovation dans la religion d'Allah. Car ce qui peut être prétendu une bonne innovation, soit il est une sunna, il fait partie de la sunna, il a ses arguments dans la sunna ou là, ah, c'est une innovation. Mais les innovateurs se justifient avec des choses qui ne tiennent pas debout. Ils sont comme celui qui se trouve en pleine canicule, en plein mois d'août, dans le désert. Hein? Il veut se mettre à l'ombre sur la toile d'araignée. C'est ainsi leur situation. Et les hommes de science ont refuté les ambiguïtés derrière lesquelles se cachent les innovateurs pour défendre leurs innovations. Et ces ambiguïtés sont de trois sortes. La première catégorie d'ambiguïté, les ambiguïtés qu'ils ont déduites de preuves de la législation, soit les preuves sont faibles, soit les preuves sont inventées, ou même combien des fois les preuves sont authentiques, mais ils les comprennent à leur façon, indépendamment de la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Et donc le problème n'est pas dans la preuve, mais il est dans leur compréhension, qui est en contradiction avec la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. La deuxième catégorie d'ambiguïté, ce sont qu'ils prennent, des paroles générales ou confuses de certains savants. Ils utilisent certaines paroles générales, certaines paroles confuses de certains hommes de science. La troisième sorte d'ambiguïté leur vient de la scolastique, cette école, de Al-Kalam, la scolastique qui réunit entre eux la théologie chrétienne et la philo-grecque, et aussi des ambiguïtés qui viennent de l'opinion dépourvue de toute preuve, et aussi de ce qui est appelé chez Sophia Dhawq. Dhawq que tu peux, en langue arabe, ça veut dire le goût, ou la sensation. Mais ici, pour les sophistes, c'est un moyen de connaissance en dehors de la législation et de la raison, chez les sophistes, avec lequel sont privilégiées que certaines personnes. Hada c'est dhawq chez les sophistes. Et donc, ça c'est la troisième catégorie, des sources de leur ambiguïté. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes de science nous ont suffi à ce niveau en réfutant et en rejetant ces ambiguïtés avec des preuves claires du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs radhiyallahu anhum. Et en cette période de pandémie, durant laquelle Allah comble par le repentir des gens, les gens des passions et des innovations parmi les disciples de ces tendances et ces parties de l'innovation profitent et saisissent cette occasion, ils profitent de la sensibilité des gens pour s'accaparer d'eux et aussi pour d'autres intérêts et pour les engloutir dans leurs innovations. En Allah Azza wa Jal, et sur Allah Azza wa Jal, attention à l'innovation et aux innovateurs. Ne vous laissez pas emporter par les sentiments. Et ne vous faites pas avoir par les innovateurs et les innovations. Soyez vigilants. Toute innovation est un égarement. Voyons comment les savants ont réfuté les ambiguïtés qui découlent de la diarrhée mentale des gens de l'innovation, de ceux qui suivent leur passion. Quant aux ambiguïtés par rapport aux preuves de la législation qu'ils utilisent, il y a dans les preuves qu'ils utilisent des preuves qui ne peuvent pas être utilisées pour justifier le bien et pour approuver leurs innovations. Comme par exemple le hadith rapporté par Tirmidhi et par d'autres. Ce hadith qu'ils attribuent au messager alayhi salam, où il aurait dit « Man ibtada'a bid'atan dalalatan la turdillaha wa rasoulahu, kana alayhi mitla atami man amila biha. » La traduction, celui qui innove une innovation égarement qu'Allah et son messager n'agréent pas, il aura les mêmes péchés que ceux qui l'ont mis en application. Ils disent que ce hadith est une preuve comme quoi les innovations ne sont pas toutes répréhensibles et qu'il y a des bonnes innovations et des innovations égarement. Les hommes du hadith ont dit, ce hadith ne contient pas de justification ni de preuve pour les innovations, car toute innovation est un égarement, comme a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole synthèse, de laquelle les hommes de science ont déduit une règle fondamentale. Toute innovation est un égarement. Toute innovation est détestée par Allah et par son messager, alayhi salatu salam. Jamais il sera aimé par Allah, azza wa jal. Et en plus de ça, les authentificateurs du hadith ont dit que ce hadith, il est inventé, il est maudour. Et la défectuosité de ce hadith vient de Kathir ibn Abdillah al-Mazini, ibn Abdelbarradi, il y a l'unanimité sur sa faiblesse. Shafi'i a dit, c'est un pilier parmi les piliers du mensonge, qui Kathir ibn Abdillah al-Mizani, qui rapporte ce hadith. Ibn Ma'in a dit, il vaut rien. Et les paroles de savants concernant Kathir sont nombreuses. Il n'y a qu'à voir Qrib Tadib, Mizal Itidal et ainsi de suite. La deuxième ambiguïté qu'utilise les innovateurs pour dire qu'il y a des bonnes innovations, c'est la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda qui a dit dans un hadith, et eux prennent cette phrase pour justifier qu'il y a des bonnes innovations, où il a dit radiallahu anhu arda, ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasan. Il a dit, ce que les musulmans désignent comme bien, il est bien pour Allah. Ibn al-Qayyim a dit dans son livre Al-Furusiyya, ceci n'est pas un hadith. Ceci, c'est une parole confirmée et authentique qui nous vient directement d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda. Mais quand tu dis à l'innovateur, ceci n'est pas un hadith, il te répond, mais c'est la parole d'un noble compagnon, un noble savant parmi les compagnons, dont la parole est considérée. La réplique que leur font les hommes de science, leur disent, d'abord que Ibn Mas'ud est un grand défenseur de la sunna et il était connu par la réplique et la fermeté et la réplique contre les innovateurs et les innovations. Est-il raisonnable de croire ou de dire qu'Abdullah ibn Mas'ud voit qu'il existe des bonnes innovations? Ceci est très dangereux, car c'est une accusation grave de ce noble compagnon dans sa religion. Les savants ont dit que la parole d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda veut dire tout simplement que ce que l'ensemble des compagnons ont dit, que ceci est un bien, et c'est que c'est un bien chez Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, la parole sur laquelle les nobles compagnons étaient unanimes, c'est quelque chose qui est bien chez Allah Azza wa Jal. Les savants dignes de la voie, dignes de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, hein, ont pris de cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, une preuve pour le consensus, pour l'ijma. Hein? Ils ont dit que cette parole prouve l'ijma, le consensus. Parmi ceux qui disent ça, hein, pas pour les limiter, juste pour citer ceux qui sont très connus, Ibn al-Qayyim, al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Qudama, al-Maqdisi rahimahullah et d'autres. Ibn Hazm rahimahullah, dans son livre l'Ihkam, il a dit, les innovateurs ont utilisé cette phrase, c'est-à-dire la phrase d'Abdullah ibn Mas'ud, ce que les musulmans considèrent comme bien, il est bien pour Allah. Ils utilisent cette phrase pour dire qu'il y a des bonnes innovations. Il dit rahimahullah, et cette parole et on connaît aucune chaîne de transmission à cette parole lamentant Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous savons, c'est qu'il est une parole confirmée et authentique d'Abdullah ibn Mas'ud. Et cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud d'Ibn Hazm confirme tout simplement le consensus. Fin de citation. Voilà la compréhension saine de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et non pas la diarrhée mentale, hein, des gens des passions et de l'innovation. Et parmi les arguments de la législation auxquels s'attachent les innovateurs pour justifier leurs innovations, hein, la parole du messager alayhi sallatu salam, authentique chez l'imam muslim, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيء. Donc, et parmi les arguments de la législation auxquels s'attachent les innovateurs pour justifier leurs innovations, cette parole authentique du messager alayhi salam, celui qui oriente les gens vers une pratique louable aura alors la récompense de cette pratique et la récompense de quiconque l'accomplit sans pour autant diminuer de leurs récompenses respectives. Il est rapporté par l'imam muslim, il est authentique, pas de problème. C'est une partie d'un long hadith. Les savants ont refuté cette ambiguïté par différents points. Disons, il n'existe d'abord, premièrement, en disant qu'il n'existe aucune contradiction entre les textes de la révélation et le fait d'orienter vers le bien. Il n'y a aucune traduction entre eux, les textes de la révélation. Il n'y a aucune contradiction dans les paroles du messager alayhi salam. Et ils disent, et le fait d'orienter vers le bien n'est pas, dans cette phrase, n'est pas son sens absolu. Le fait d'orienter dans le bien, ce n'est pas un sens absolu. Le fait d'orienter vers le bien en général, ce n'est pas un sens absolu. Il est conditionné par le fait qu'il doit être légiféré et confirmé par la sunna du messager alayhi sallatu salam. Donc la signification du hadith qu'ils veulent utiliser comme argument pour justifier leurs bonnes innovations, celui qui oriente les gens vers un acte légiféré par les preuves, il aura comme récompense ce qui est cité dans le hadith. Voilà sa réelle signification. Il faut que cet acte soit légiféré déjà. Dans le hadith, il est dit « Man sanna » celui qui accomplit, une bonne sunna. Il n'a pas dit celui qui a accompli une bonne innovation. Il n'a pas dit man ibtada'a bid'atan hasana. Il a dit man sanna sunnatan hasana. Donc il ne l'aurait pas permis d'utiliser ce texte comme argument pour dire qu'il y a des bonnes innovations. Troisièmement, la cause du hadith de les... La cause du hadith, c'est l'histoire des gens de la tribu de Mundhar qui sont venus un jour voir le prophète alayhi salatu salam. Ils étaient mal vêtus, pieds nus, la pauvreté se voyait sur eux, ridwanullahi alayhim. Le messager alayhi salatu salam incitait les gens à la charité. Un ansar et un auxiliaire parmi les alliés de Médine est arrivé avec un paquet si grand qu'il était incapable de le saisir entre ses deux mains. Il peinait pour le ramener. Et puis, quand les gens l'ont vu, ils l'ont imité. Ils ont fait comme lui. Cet homme a accompli une sadaqa, a fait une charité. Et la charité et la sadaqa est légiférée par le livre et la sunna. Il n'a pas inventé un acte. Hein? Donc l'acte sur lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man sanna » c'est quelque chose qui existe dans la législation. Ce n'est pas une innovation à Baden. Le quatrième point de la réfutation concernant l'utilisation de cette phrase du prophète alayhi wa sallam comme argument pour le quatrième point pour réfuter la sunna, leur prétention qu'en quoi il y a des bonnes innovations. Certains textes de la sunna qui leur ont donné des confusions, qu'ils n'ont pas compris comme il doit être compris, comme l'ont compris salaf radhiyallahu alayhim. Comme le hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah, hadithu al-birru man sharaha lahu sadruka wal-ithmu ma haka fi sadrika wa in aftaka anhu an-nas, imam Ahmad. Donc parmi les preuves de la sunna qui ont donné des confusions aux innovateurs parce qu'ils n'ont pas pris leur compréhension, la compréhension du hadith du salaf ridwanullah alayhim, le hadith qui dit, rapporté par l'imam Ahmed, le bien c'est ce qui apaise ton cœur et le mal c'est ce qui angoisse ton cœur, même si les gens t'ont donné des réponses, t'ont fait des verdicts. Dans une autre expression du hadith, istafti nafsaka albirru matma'anna ilayhi alqalb wa tma'annat ilayhi an-nafs. Dans cette autre version du hadith, demande à ton âme, car le bien c'est ce qui apaise le cœur et l'âme. Toujours rapporté par l'imam Ahmed, il est rapporté aussi par d'autres. Les innovateurs prétendent que la description du bien et du mal d'un acte se fait avec le cœur. Car il est dit dans le hadith, istafti nafsak, demande à ton âme. Donc si l'âme est apaisée, ça veut dire que c'est un bien. Mais s'il est gêné et angoissé, ça veut dire que c'est un mal. Les savants leur ont répliqué et leur ont dit, ce qui apaise les cœurs, ils disent, ce qui apaise les cœurs en étant en contradiction avec la législation, c'est une inspiration de Shaitan. Et c'est la réalité de toutes les innovations. Ils leur disent, quant à l'apaisement voulu ici dans le hadith, c'est l'apaisement qu'on a au moment de faire le choix et pour choisir une parole prépondérante au moment où les preuves sont pour ou contre. Les preuves qui sont pour et qui sont contre sont à pied d'égalité. Ils tirent, les preuves tirent des deux côtés. Ils tirent vers les avis pour et vers les avis contre. Hein? Il dit, hein? Il dit, quant à l'épanouissement, voulu ici, c'est au moment du choix de la parole prépondérante, au moment où les preuves pour et contre sont à pied d'égalité, ou au moment de la confusion entre ce qui est licite et ce qui est illicite. En tout cas, ce qui est licite et ce qui est illicite. Ceci, disent les hommes de science, c'est une inspiration du miséricordieux. Ils disent, et l'innovation ne fait pas partie des choses ambiguës. L'innovation ne fait pas partie des choses qui sont confuses. Il fait partie des choses qui illicites, qui sont illicites clairement. L'argument étant la parole synthèse du prophète alayhi salam, kullu bid'atin dalala. Donc, on ne demande pas à son cœur concernant l'innovation. Et parmi les preuves aussi qui ont donné des confusions à ceux qui disent qu'il y a une bid'a hasana, ce qui a été transmis de certains compagnons qui ont décrit certains actes comme bid'a, sans les réprimander, comme la parole de Omar ibn al-Khattab concernant la prière de Salat Tarawih en commun. Et ceci est relaté chez l'imam Bukhari. Cette parole connue de Omar ibn al-Khattab, ni'matil bid'atu hadihi. Elle est bonne, cette bid'a. Donc, ils ont pris cette parole de Omar ibn al-Khattab comme argument pour leurs fausses prétentions. Et pour, hein, prétendre qu'il y a des bonnes innovations. Bloukatir a dit, l'innovation est de deux sortes. Des fois, c'est une innovation qui concerne, qui est du domaine de la législation. Et dans ces cas-là, toute innovation est un égarement. Et des fois, c'est une innovation linguistique au niveau de la langue. Et l'expression, Bloukatir dit l'expression de Omar ibn al-Khattab, quand il a réuni les compagnons pour Salat Tarawih, hein, on fait partie des innovations linguistiques. Ni'matil bid'atu hadi. C'est-à-dire, Omar ibn al-Khattab a désigné la beauté et le bien de l'acte. Mais cet acte en lui-même, il était légiféré. Il a été accompli par le prophète alayhi salam. A dit, hein, qu'il bonne bid'a celle-ci, a dit radiyallahu anhu arda. Et voyons ce que veut dire le terme bid'a en arabe. En arabe, ça veut dire كل ما تقدم على غير مثال سابق. Hein? Ce qui veut dire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a apparu, qui n'a pas son similaire. Et de sens, dans ce sens-là, dans le sens linguistique, hein, ça veut dire l'hadith, quelque chose de nouveau. Et ceci, on le retrouve dans certains versets. قال عز وجل ما كنت بدعا من الرسول. La traduction approximative du sens du verset, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas mon message. Je ne suis pas nouveau. Je ne suis pas une nouveauté d'être envoyé. Le fait que je sois envoyé n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui existe auparavant. Et ça ici, c'est le sens linguistique. Cela veut dire, il y a eu des messagers avant moi. Et aussi, dans le Coran, « Badi'u samawati wal ard » Hein ? Qui veut dire, dans la traduction approximative du sens du verset, « Il est le créateur des cieux et de la terre selon un aspect et un modèle exceptionnel qui n'existait pas auparavant. » Badi'u. Bid'a, quelque chose qui n'existait pas auparavant, qui vient d'être créé. Et dans la législation, la signification de la bid'a dans la législation, c'est comme il a dit Shatib rahimahullah dans l'i'tisam, al-bid'atu ibaratun an tariqatin fi d-din mukhtara'atin tudahi al-shar'iyya yuqsadu bis-suluki 'alayha at-taqarrub ila Allah ta'ala. Il a dit rahimahullah dans l'i'tisam, l'innovation, c'est une voie innovée dans la religion qui vient concurrencer la voie légiférée. Le but de ceux qui l'ont créée et qui la mettent en application, c'est de se rapprocher d'Allah plus. Hein? Donc, les savants ont répliqué à ceux qui prennent comme argument la parole de Omar al-Khattab. Hein? Comme quoi, dans la parole de Omar qui dit qu'il est belle, c'est bid'a, ils disent que le fait que Omar ait réuni les gens pour Salat Tarawih, ceci n'est pas une innovation de sa part, radiallahu anhu wa arda, abadan. Ceci est pris de l'acte du messager, alayhi salam, qui a dirigé la prière pour les compagnons durant 3 nuits successives, et puis, Il l'a délaissé, alayhi salatu wassalam, par crainte que ça ne devienne obligatoire pour la communauté. Et le messager est mort, et la situation est restée telle qu'elle est, comme il est relaté dans Sahih al-Bukhari. Cheikh al-Islam, rahimahullah, dans Jumu' al-Fatawa, a dit, quant à la prière nocturne en commun du mois de Ramadan, le messager d'Allah, on a fait une sunna pour sa communauté. Et il l'a dirigée pour ses compagnons plusieurs soirs. Et à son époque, les compagnons, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé, pour que ça ne devienne pas obligatoire, et à son époque, alayhi salatu wassalam, les compagnons l'a prié individuellement et aussi en petit groupe. Un petit groupe par là et un autre là, hein. Et il a prié aussi individuellement. Et ceci est resté après la mort, avant que la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi pendant la khilafa d'Abu Bakr, c'était ainsi. Et, à un moment de la khilafa de Omar, il les a réunis derrière un seul imam. Il les a réunis, radiallahu anhu, derrière un seul imam. Il a dit, Cheikh l'Islam a dit donc, Tida' Salat Mustaqim, quant à la prière de Tarawih, ce n'est pas une innovation dans la législation. Et aussi le fait de la prier en commun n'est pas une innovation dans la religion. Ibn Rajab a dit la même chose dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Shatibi a dit la même chose aussi dans l'Atisam. L'Albani la même chose dans sa risala Salat Tarawih. Cheikh Al-Uthaymeen a dit la même chose, Ibn Baz et ainsi de suite. Et donc, la parole de Omar ibn Khattab, c'est tout simplement la description de cet acte en arabe. Et son expression, en aucun cas, ne concerne l'innovation dans son sens législatif, abadan, ni de près ni de loin. Et Omar, impossible qu'il désigne, hein, cet acte, Salat Tarawih, par le terme de bid'a dans sa signification législative, car c'est une sunna du messager alayhi salatu wassalam. Mais c'est une description linguistique seulement. Donc, pour montrer la beauté de cette union de tous les compagnons, durant Salat Tarawih, hein, derrière un seul imam. Donc, prendre la signification de la parole de Omar ibn al-Khattab, dont le sens linguistique s'impose. Prendre la parole de Omar ibn al-Khattab dans son sens linguistique, c'est ce qui s'impose. Car il est inacceptable. L'esprit n'accepte pas. Il ne conçoit pas que Omar accepte la bid'a dans la religion. Alors qu'il n'a cessé d'entendre le messager alayhi salatu wassalam dire kullu bid'atin dalala. Et on sait tous comment Omar ibn al-Khattab s'arrête là où l'arrête le livre et la sunna. Il combat avec force l'innovation. Rappelez-vous comment il a traité Sabir. Sabir qui cherchait des interprétations confuses de certains versets du Coran. Il l'a mis en prison. Chaque matin, on lui ramène et lui donne des coups avec des branches de palmier sur la tête. Hein? Et rappelez-vous aussi quand des hommes de Taif sont venus dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement élever la voix dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, comment il les a réprimandés. Et il leur a dit, si hein, vous êtes des habitants de Médine, je vous aurai donné une treha. Radiallahu anhu arda. Hein? On arrête là, inshallah. Et on reprendra, inshallah, tout à l'heure. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan.